on avait 3 ans d'apprentissage. Quand on payait, on avait 2 ans d'apprentissage en payant. Et puis quand on ne payait pas, ben, c'était le cas pour les apprentis de mi-cours. Mmh. On faisait 3 ans. Mais alors on passait tous les ans, on passait un concours. On passait un concours. Quand une année, on le passait chez la Berthe. Une autre année, on le passait chez Thibouville. Une autre année, c'était chez Champagne. Enfin bref. Mmh. Voyez-vous, puis alors on nous préparait du boulot. On nous disait, si on passait le concours première année, ou deuxième ou troisième, enfin bref. Alors on nous préparait du boulot. Alors on nous disait, ben, il y aura ça à faire. Alors par exemple, on avait une table violon, hein. Alors on nous disait, eh ben, vous viendrez avec une F taillée. Mm-hmm. Et puis alors la deuxième, vous la ferez, vous partirez de rien, ma foi, elle ne sera pas faite. Et vous la taillerez là. Alors que. On ne pouvait pas truquer parce que il y avait le jour-là, on était réunis chez la Berthe, on était réunis chez Thibouville, enfin dans une maison quelconque. Mmh. Hein. On était peut-être bien une cinquantaine au total. Eh bien, il y avait tous les patrons de Mirecourt qui étaient là. C'était le syndicat des patrons. Ils étaient là tous, chacun. Il y avait Mougenot, la Berthe, il y avait tout ce que je sais, enfin tout ce qu'il y avait à l'époque. Hein. Ils étaient nombreux. Et puis alors on travaillait. Alors la première année, j'ai eu un premier prix. La deuxième année, j'avais 2 mois d'apprentissage. J'ai eu un premier prix. Et vous aviez quel âge? Oh, ben, j'avais 13 ans, quelque chose comme ça. Mmh. Oui. Même pas, puisque je devais avoir 12 ans et demi, enfin c'était l'âge à l'époque. Première année, premier prix. Deuxième année, premier prix. Troisième année, premier prix. Première année, on avait un prix. Bouquin, quelque chose. Mais ma dernière année, alors, j'ai eu un atelier complet de luthier, c'était quelque chose. Ils m'ont donné un livret de caisse d'épargne, avec plein d'argent, hein. Et puis ils m'ont donné un atelier complet. j'en ai même encore du matériel. Mmh. Et puis alors, enfin voilà, c'était la dernière année à sortir. Puis alors, une médaille, j'ai la médaille d'argent du ministère du commerce.